Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Je peux pas, j'ai patrimoine, première émission de la rentrée. Une émission qui vous fait, comme à son habitude, découvrir la richesse de notre histoire et de nos paysages et de notre territoire. Aujourd'hui, on va parler d'un grand rendez-vous culturel attendu chaque année, les Journées européennes du patrimoine. Et pour nous en parler, alors ce ne sera pas tout, on va évidemment aussi parler des rendez-vous événementiels du programme à noter pour l'automne. Et nous sommes en compagnie de Lauriane Kell, chef de projet du Pays d'Art et d'Histoire et puis animatrice de l'architecture et du patrimoine. Bonjour Lauriane. Et oui, bonjour à tous. Bonjour Marlène. Alors, Lauriane, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler, nous rappeler en quelques mots déjà qu'est-ce que c'est que ces journées du patrimoine et ça date de quand, c'est né comment C'est une longue histoire, et oui. Journée européenne du patrimoine, on est déjà à la 42e édition. C'est tout jeune, en fait. Oui. Et donc, c'est un grand rendez-vous qui est devenu européen depuis quelques années déjà et qui permet à l'échelle nationale et donc européenne eh bien, de découvrir les patrimoines, alors plus ou moins cachés, hein, il y en a qui sont très connus. Et donc, du coup, comme le label Pays d'Art et d'Histoire est un label du ministère de la Culture, eh bien, nous aussi, on est invités au même titre que, voilà, que tout le territoire à animer, à proposer de nouvelles actions, proposer des nouveaux lieux. Et voilà, donc c'est un grand plaisir, c'est un grand rendez-vous national. Et donc, ça se passe les 20 et 21 septembre. Voilà. Et voilà, donc il y a plein de sites très connus et puis moins connus qu'on va découvrir ensemble. Et vous êtes déjà victime de votre succès parce qu'on le dira, il y a certains rendez-vous qui sont déjà complets. Bah malheureusement, oui, c'est fou. Hein. Voilà. Bon, on démarre avec Morhen. Et oui, donc tout le week-end, donc le samedi d'abord, l'équipe du Pays d'Art d'Histoire. Donc je rappelle, on est une petite équipe de 3 personnes. Donc je suis assistée de Camille Touloulan, qui est adjointe du label. Et puis également d'Anna Brisson, Anna, oh là là, Anna si tu m'écoutes, voilà. Anna Brisson qui est notre conférencière. Et donc toutes les 3, on va se promener tout le samedi, comme on aime le faire, pour essayer de couvrir le maximum de territoire. Et donc, on part, c'est Camille, en fait, qui vous donne rendez-vous samedi matin à 10h30 pour une chasse au trésor dans un tout petit village très mignon du nord du territoire. Ça s'appelle Morhen. C'est à côté de Château-Renaud. Donc, voilà, pour les habitants du Castel Renaudet, vous connaissez sans doute déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de s'amuser en famille, eh bien, rendez-vous là-bas. Donc, vous aurez une fiche et puis vous irez à la découverte du patrimoine. Et ceux qui trouveront le mot mystère pourront ouvrir le coffre au trésor. Voilà. Donc, évidemment, tout est gratuit. Enfin, nos actions, nous, sont gratuites. Voilà. Il suffit juste, par contre, de s'inscrire parce que comme ça permet. Au minimum. Voilà. Sur notre site internet www.paysloiretouraine.fr. C'est noté. Et puis, au même moment, en fait, à 10h30, moi aussi, je serai dans le Castel Renaudet. Et là, cette fois-ci, c'est pour découvrir un monument qui est un peu particulier, qui est aujourd'hui une église. Ça s'appelle la Grand Maison. Et l'église Saint-Laurent, c'est Saint-Laurent en Gâtine qui possède un édifice absolument fou parce que c'est un ancien château qui appartenait aux abbés de Marmoutier. Et donc, j'aurai le plaisir de vous raconter son histoire, son sauvetage, parce que ça a failli disparaître. Et voilà, grâce, j'allais dire, à l'amour d'un curé pour son église, enfin, en tout cas, ce bâtiment, il l'a sauvé en le transformant en église au 19e siècle. Et aujourd'hui, eh ben, c'est un monument tout à fait remarquable. Donc, j'aurai le plaisir de vous conter. Voilà. Très bien, Lauriane, je crois qu'à Monet également, après, il y a un autre rendez-vous. Bah dans l'après-midi, Camille retrouvera les bâtisseurs du Moyen-Âge à Monet. Là, cette fois-ci, on joint un petit peu une petite visite guidée avec des ateliers, enfin des maquettes. Donc là, c'est pour les enfants avec leur famille. On peut rester pour les aider, voilà, pour co-construire avec eux. Voilà, donc il faudra manipuler des maquettes, des caplas. Enfin voilà, on pourra reconstruire l'édifice et ça s'adresse à un public de 6 à 12 ans et puis leur famille. Donc c'est à 14h30 à Monet, voilà. Et au même moment, j'ai envie de dire, mais maintenant ça ne l'est plus, donc je vous informe que les deux visites guidées surprises de la très jolie commune de Souvigny-Touraine sont complètes. Voilà. Vous avez raté la surprise, il fallait s'inscrire avant. Ben voilà, ça va tellement vite qu'on a sorti à peine le programme que les 50 places étaient pourvues. C'est presque comme un concert en fait maintenant. Voilà, on lance le programme et on s'aperçoit que voilà. Donc je pense qu'on réitérera des vides surprises, mais voilà, il faut nous suivre pour très très vite pour avoir les premières places. Du côté de Mont-Louis-sur-Loire, une visite guidée également. Eh ben oui, bah du coup moi je retrouve tout le monde après Saint-Laurent. Je vais passer la Loire et du coup je vais donc vous attendre à Mont-Louis-sur-Loire devant l'église pour vous raconter 1000 ans d'architecture. Parce qu'en fait le thème cette année, hein, chaque année il y a un thème qui est défini par le ministère et ce sont justement le patrimoine architectural. Donc qu'est-ce qu'on entend par justement quelle architecture, quelle période, quel type d'architecture on peut retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Mont-Louis, on a vraiment un très joli panel. Donc, on va pouvoir remonter à l'époque du Moyen-Âge, voilà, et puis jusqu'à l'époque contemporaine, puisque le patrimoine se construit tous les jours. Et donc, vous verrez, il y a même de l'art nouveau, voilà. Donc, ça va être sympathique, je pense. Voilà, une visite quand même d'une heure et demie, hein. Et puis, il faudra mettre de bonnes chaussures, on va marcher un peu, mais tout ça de façon très agréable, voilà. Rendez-vous à 14h et n'oubliez pas de vous inscrire sur le site du Pays Loire Touraine. Voilà, et puis on finit en beauté la soirée, donc un peu plus tard dans la journée, le temps de préparer cette balade inédite, on vous retrouve, en tout cas on vous donne rendez-vous dans une commune tout à fait au nord du territoire, vraiment limite Loire-et-Cher. Ça s'appelle les Ermites. Mmh. Voilà, si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien, c'est pas grave parce que voilà, vous pouvez nous rejoindre. Généralement, à l'heure où les sites ferment, où il n'y a plus d'animation, eh bien, on se demande ce qu'on peut faire le samedi soir. Eh bien, nous, on a trouvé une solution. On désigne un village, voilà, et puis on s'y installe. Alors, c'est un peu une visite pas comme les autres. Vous allez avoir du patrimoine, mais pas seulement. Vous allez avoir des surprises, voilà. Donc, je n'en dis pas plus, mais évidemment, on va mettre en valeur aussi des produits locaux, des acteurs locaux aux Ermites. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y a beaucoup d'associations. Voilà, c'est une commune très, très dynamique. Et du coup, voilà, on vous donne rendez-vous le samedi 20 septembre à 20h. C'est devant la mairie. Alors, vous verrez que c'est devant l'église aussi. C'est un tout petit village très mignon. Et ça s'appelle la balade patrimoine à la lueur des bougies. Super, ça donne toujours très envie. On a envie d'être à chacun de ces rendez-vous. Ça va être une journée rallye pour vous et votre équipe. Voilà, on va courir un peu partout, mais c'est très chouette parce que voilà, le samedi, on sait que les gens aussi ont besoin de faire plein de choses. Il va y avoir le sport, voilà, d'autres activités. Donc, on vous donne des rendez-vous ponctuels. Par contre, le dimanche... Alors là, on s'installe. Rassemblement. Ouais, on se rassemble. Alors, c'est une commune qu'on n'avait pas, enfin un territoire en tout cas qu'on n'avait pas valorisé le samedi. Donc on va aller se positionner dans une belle commune au bord de Cher qui s'appelle Bléré, voilà. Et à Bléré, eh bien, on prend nos quartiers, donc toute l'équipe, hein, Camille, Anna et moi-même. On vous attend. Et puis quelques ambassadeurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour ce week-end, oui. On aura, ce dimanche, on aura quelques bénévoles avec nous. Eh bien, nous serons sur le site de l'Hôtel de Ville, qui est un ancien hôtel particulier, voilà, construit au 19e siècle par un architecte parisien. Donc, on vous en dira plus sur place. Il y a également un parc, en tout cas, il reste une partie du parc d'origine du site. Et donc, nous, on s'implante ici. Avec quoi ? Avec toutes nos actions, toutes nos maquettes. Donc, il y aura un pôle archi-amusant. On va mettre à disposition pour manipuler des maquettes. Enfin, voilà, on va pouvoir s'amuser en famille. Camille sera aussi responsable de la chasse au trésor. Donc là, c'est pareil, voilà. Pour ouvrir le coffre, il va falloir trouver la bonne réponse. Mmh. Et puis, avec Anna, on va chacune conduire des visites. Alors, moi, je serai un petit peu à demeure, j'allais dire, à l'hôtel de ville et au parc, pour des visites flash, 20-25 minutes, voilà, toutes les heures, 2 le matin et 3 le matin et 3 l'après-midi, alors à 6 quand même. Donc pour vous conter l'histoire de ce site, voilà, patrimonial, converti en mairie depuis 1979. Et ensuite, du coup, Anna, elle vous atteindra dans la ville, un peu partout, à la piscine pour commencer une visite sur le Cher, nature. Elle vous attendra devant l'église pour une visite sur le Moyen-Âge, à Bléré, et enfin à la chapelle de Seigne pour une visite sur cette chapelle funéraire assez unique aussi dans son genre, une chapelle de la Renaissance. Voilà. Et tout est gratuit, il suffit juste de s'inscrire, voilà, parce que bon, on a mis des jauges quand même, hein, voilà, on ne va pas être 200 personnes en visite, donc si vous avez un petit coup de cœur, inscrivez-vous, c'est gratuit, voilà. Et ça vaut le coup, et vous serez bien entouré, parce que l'équipe du Pays Loire-Touraine sait recevoir et sait guider. Autour d'Amboise, il y a tout un tas de choses. Alors, dans la nouvelle chronique Patrimoine en Lumière sur l'art et l'histoire d'Amboise, nous accueillerons Guillaume Métayer, qui nous parlera spécifiquement du programme d'Amboise même. Peut-être qu'on peut parler de ce qui va se passer un petit peu autour aussi d'Amboise, et Lauriane. Oui, en effet. Alors, dans le guide, on recense tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, avec la part belle aux monuments, aux communes publiques, enfin voilà, aux monuments publics. Si on va, voilà, bah, il faudra, par exemple, aller à Congé. Il y a une très jolie exposition de jouets anciens à la salle des fêtes. Voilà, donc ces petits, les petits coups de cœur par ici, par là. Il ne faut pas oublier également qu'il y a certains artisans d'art qui ouvrent, que ce soit la verrerie d'art d'Amboise à Chargé ou également l'atelier vitrail-page à Lussault-sur-Loire. Donc ça, voilà, on peut leur rendre visite. Par exemple aussi le château de Pintré, voilà, Lussault-sur-Loire, donc ça fait partie. Il y a ici beaucoup de concerts, oui. ce week-end-là précisément. Le dimanche, par exemple, à Nazelles-Négron, rendez-vous dans la très belle grange d'Imières de Négron pour un concert-spectacle Louise, François et Louis par l'ensemble L'Illusion. Donc il y a, voilà, on vous propose un beau voyage musical historique. Voilà, autour des traces de Louise de Lavallière et de Louis XIV. Donc on n'en dit pas plus, mais ça a l'air vraiment très très chouette. La visite guidée du bourg de Nazelles également. Mmh. Que dire de plus, on relaie aussi les festivals off, enfin les concerts off de jazz en Touraine. Mmh. Donc voilà, on a mis les dates du week-end. Et puis si vous avez envie toujours de musique, alors rendez-vous au Grand Coteau demeure Francis Poulain à Noisy. Voilà, vous serez très chaleureusement accueillis avec des visites guidées. Donc il faut réserver par contre, parce que là c'est pareil, hein. Le site est très mignon, mais du coup voilà, il faut s'inscrire à ces visites. Encore un autre concert aussi à Saint-Ouen-les-Vignes, voilà, cette fois-ci avec l'orgue de l'église, hein, parce qu'il y a un très très bel orgue qui est conservé par l'association Intensité, voilà, qui conduit un concert qui une carte blanche, voilà, à l'organiste Michel Ragon et ses amis. Et puis, on a déjà parlé de la visite de Souvigny qui est complète. Mais complète. Voilà. Après, vous allez sur tout le territoire, que ce soit autour de Bléré, vous avez des actions autour, ouais, de Mont-Louis. Il y a largement de quoi rebondir. Il y a plein d'associations qui font des visites guidées, voilà, plein d'acteurs, même quelques propriétaires privés qui vont vous ouvrir leurs portes. Je pense au Château de la Côte à Reny, qui n'est jamais ouvert. Je pense à Véretz, où il y a beaucoup de choses à faire, des visites guidées. Des expositions, enfin voilà, franchement, vous allez, il y en a pour tous les goûts, mais beaucoup de concerts, c'est vrai que la musique est à l'honneur. Justement, ça tombe aussi pendant Jazz en Touraine. Exactement, donc, voilà. C'est parfait cette année. Super, Lauriane, donc on rappelle que là, en fait, nous, on a cette chance d'avoir le petit fascicule entre les mains avec vraiment tout le détail. Pour ceux qui ne l'ont pas, on peut le retrouver sur le site internet. Ah oui, bien sûr, il est déjà en ligne, on peut le télécharger, on peut surtout aller le chercher dans les offices de tourisme et puis dans les mairies, puisqu'il a été déposé voilà, il y a peu de temps. Donc allez chercher votre petit exemplaire si vous tenez à ce document. Il est quand même assez complet, puis vous pouvez le garder toute la saison. Parce qu'en fait, après les journées du patrimoine, ça ne s'arrête pas. Et non. Voilà. Et donc, non, c'est deux en un. C'est fabuleux. Et oui, donc on pourra le garder pour la suite. La suite qui viendra après une pause musicale choisie par les soins de Lauriane, qui nous entraîne dans du groove avec September. De quoi mettre un petit peu d'ambiance en cette fin d'été. C'est ça, voilà, exactement. C'est parti. Lives. De retour à l'antenne après cette pause en musique qui nous a fait bouger dans le studio. Je suis toujours avec Lauriane. Alors, qui est Lauriane, me direz-vous ? Eh bien, elle est chef de projet du Pays d'Art et d'Histoire et animatrice de l'architecture et puis du patrimoine au Pays Loire-Touraine. Eh oui, mais il faut le dire parce que tout ça, ça fait partie de ses missions. Lauriane qui est venue nous présenter le programme riche et varié des Journées européennes du patrimoine organisées par le Pays Loire-Touraine. Et entre autres, hein, puisqu'on entre a, autres, oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. On a aussi eu plein d'autres dates, plein d'autres rendez-vous. Et maintenant, on va parler des rendez-vous qui figurent également dans ce programme sur l'automne. Et oui, parce qu'en fait, la plaquette est double. Hein, voilà, le petit fascicule, une fois que les Journées du patrimoine s'arrêtent le 20 septembre, ou le 21 septembre, voilà, précisément, eh bien, on continue. Et en fait, on ne s'arrête jamais parce qu'on commence même le 15 septembre cette année. C'est vrai. On sera partenaire avec grand plaisir d'un grand événement. Et là, j'emploie toujours le mot grand parce que c'est la grande remontée. Mmh. Et donc, rendez-vous pour ce qui nous concerne. Mais en fait, c'est déjà, j'allais dire, en aval, jusqu'en amont, puisqu'on remonte. Eh bien, c'est déjà bien démarré sur la Loire, ce grand festival organisé par la Rabouilleuse École de Loire et la Mission Val de Loire. Fera escale à Amboise le lundi 15 septembre et donc nous on vous y attend, très nombreux, l'après-midi. Donc les bateaux arrivent à 16h mais on vous donne rendez-vous dès 15h puisqu'il y aura un certain nombre de stands et d'animations et donc on sera sur le quai François Tissard pour vous proposer un défi en famille, ça s'appelle le défi Capla, un pont sur la Loire. J'ai déjà fait cette activité à l'office de tourisme de Mont-Louis et voilà, reconstruire un pont en Capla, c'est une sacrée... Voilà, c'est une sacrée affaire. C'est sûr. Ça fonctionne super bien. Voilà, il faut un peu de dextérité. Donc, on fait ça en famille. C'est gratuit. On vient. Voilà, c'est gratuit. Toujours, comme toujours. Et voilà, c'est le côté un petit peu aussi ludique, d'essayer de s'amuser avec le patrimoine. Et puis, on aura la chance d'assister justement à l'arrivée des bateaux qui passeront sous le pont d'Amboise. Voilà où est aussi l'enjeu symbolique, c'est de montrer que le patrimoine vivant et le patrimoine bâti se marient à merveille, et le patrimoine naturel, bien sûr. Voilà. Donc on ne sera pas seul, hein. Il y aura aussi, par exemple, la Maison de la Loire qui sera à côté de nous, avec une autre animation plutôt sur la pierre. Enfin voilà, en tout cas, rendez-vous en Boise le 15 septembre, posez votre après-midi, hein. Franchement, c'est mieux. Oui, parce que c'est un lundi quand même. Donc... Ouais, voilà. Mais oui, ça vaut le coup. Et puis après, c'est de 15h à 18h, donc on peut aussi, pour les retardataires, venir après le travail. C'est ça. Ça se joue, ça se joue. Le samedi 4 octobre, il y a aussi un gros événement sur lequel Radioactive sera présente, c'est le Village des Sciences. Et oui, alors cette année, voilà, pour nous, c'est la première fois. Et on a répondu à l'appel de l'association Fête de la Science en Val d'Amboise, et son président qu'on salue, Éric Jean-Bart, qui du coup nous a... on l'a rencontré il y a quelques mois et puis on s'est dit, mais en fait, l'architecture, le patrimoine, ce sont des sciences, l'art est une science aussi, les sciences humaines, l'histoire, enfin voilà. Et on s'est dit, on va essayer de collaborer. Pour la première fois, on est partenaire du Village des Sciences au lycée Chaptal d'Amboise et on aura donc le plaisir, j'aurai le plaisir d'animer avec des ambassadeurs deux ateliers stands sur deux techniques et deux types, de patrimoine que l'on valorise, à savoir le pan de bois. Voilà, donc on a une très belle maquette d'une maison en pan de bois d'Amboise. C'est vrai qu'elle est magnifique, votre maquette. Qui fait 1,20 m de haut, voilà, qui est modulable, enfin qui est manipulable. Et puis aussi, on a un très beau, une belle reproduction, une création, reproduction d'un vitrail par Philippe Audoux, vitrailliste, et qui nous sert pour nos ateliers vitrail, justement. Et donc, on a ces deux outils merveilleux qu'on va présenter, qu'on va animer. Les lycéens seront avec nous aussi la semaine. Ça sera un beau rendez-vous, c'est gratuit, voilà. Donc, venez nous rencontrer ce samedi 4 octobre au lycée Chaptal. Et on continuera un petit peu l'aventure, parce qu'en fait... On a décidé de proposer pour le grand public cette fois-ci, pas pour les lycéens qui auront leur propre conférence, le jeudi 9 octobre, la semaine suivante, on donne rendez-vous toujours un petit peu sous la houlette de Fête de la Science en Val d'Amboise. On sera à la Maison des Associations d'Amboise à 18h pour une conférence. C'est Anna qui la donnera sur un élément patrimonial contemporain, technique, qui est quand même assez... important hein, pour nous, hein, c'est le chemin de fer. Voilà. Oui. L'histoire du chemin de fer, la ligne Paris-Orléans-Tours, voilà, qui passe évidemment à Amboise depuis 1846. Voilà. Et donc vous saurez tout, ou presque, du chemin de fer, de ses origines à aujourd'hui. Voilà. Passionnant. Et ça, c'est gratuit aussi. Là, on précise. Voilà. Ah ben, je vous demandais même pas parce que voilà. C'est évident. Tout est gratuit au Pays de Loire-Touraine. Presque tout. Presque. Mais pensez à vous inscrire. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on peut réserver en allant sur tout à fait. Alors, soit on réserve auprès de nous, soit il y a également le contact de l'association, en fait. Puisqu'en fait, il n'y aura pas que cette conférence sur chemin de fer. Il va y avoir, je ne sais pas combien, mais des spécialistes. Alors, accrochez-vous parce que je pense que vous allez être surpris par les thèmes. Et voilà, l'association voilà, développe vraiment beaucoup de force pour pouvoir vous proposer un super programme. Bah, c'est toujours le cas, on n'est jamais déçu. Voilà. Sauf de ne pas pouvoir aller partout. Et puis après, voilà, ça se déroulera, on ne dévoile pas tout, parce qu'il y aura plein de conférences hein, en octobre, après, novembre, décembre. Oui, et puis il faut laisser les collègues 2000... venir aussi pour en parler, évidemment. Là, voilà, on a donné quand même un certain nombre de choses, mais voilà, alors, téléchargez la brochure. Toutes les animations sont en ligne, qu'elles ce soit sur notre site internet pour réserver, ou même sur Facebook, si vous voulez... Aller découvrir tous ces événements. Hein, voilà. Donc, ils sont toujours en partenariat. Je le tiens à préciser parce que c'est aussi grâce à eux qu'on fait ces actions, avec les communes, évidemment, les municipalités qui nous autorisent à conduire ces actions, ces visites ou ces conférences, qui nous prêtent des salles. Et puis aussi, les associations, quand c'est le cas, par exemple, ici. Et puis aussi, ça peut être des privés. Et on a vraiment beaucoup de chance parce que, figurez-vous qu'on commence à préparer, j'en en dirai pas plus, mais d'ici fin septembre, on va commencer à attaquer le programme de été 2026. Aïe, aïe, aïe. Eh voilà. Oui, déjà. Et donc, mais il faut commencer maintenant si on veut vous proposer des belles animations. Oui, c'est pas fou. Qualitatives. Puis alors, c'est beaucoup de rendez-vous, mais beaucoup de lieux. Parce que hors antenne, quand on prépare avec Lauriane, il faut que je parle de ça. On a évoqué le prieuré de Azé. Ah oui, c'est vrai, oui, hein? Le prieuré Saint-Jean du Grès à Azé-sur-Cher. J'en ai pas parlé, mais pour les jeunes patrimoines, oui, le prieuré réouvre ses portes. Ils avaient ouvert il y a quelques temps déjà, mais n'hésitez pas à aller découvrir ce lieu patrimonial vraiment exceptionnel, puisqu'ils sont conservés des vitraux remarquables du maître verrier Sarkis. Voilà, dans la salle capitulaire, et c'est un lieu patrimonial, il y aura une marche du patrimoine et une visite du prieuré. Donc ça se passe à Azé-sur-Cher le samedi 20 septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner, et puis vous avez donc les offices de tourisme également des territoires qui vous donneront aussi tous les bons plans, toutes les visites, tous les tarifs, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. Dernière question, Lauriane, pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, on va se dire tu, on se connaît maintenant, selon toi, pourquoi c'est important justement de faire vivre ces journées et de valoriser notre patrimoine? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui nous écoutent pour les motiver justement à sortir de chez eux et à aller visiter ces sites? D'abord parce qu'en fait, c'est un grand rendez-vous qui maintenant commence. Je pense que les gens sont attachés. Et s'il y a bien un moment dans l'année, si je puis dire, où on peut tenter d'accéder. Alors, des fois, ça va être simplement un site très, très connu. Bon, on n'a pas besoin forcément de courir à Paris, hein, même si je pense que visiter des grands sites... Mais vraiment près de chez vous, si vous avez une heure, même presque une demi-heure à blairer, visite flash, 25 minutes, montre en main, et que vous êtes curieux et que vous dites, tiens, pourquoi pas avec vos enfants ou vos familles, c'est vraiment un week-end qui est fait pour ça, Les sites privés font aussi un effort sur les tarifs, il faut le dire, il n'y a pas d'obligation à faire gratuit, ça c'est important de le dire aussi parce qu'ils ont des frais, ils ont des contraintes budgétaires, de gestion, de personnel également, Mais par contre, nous, nos actions sont gratuites, donc venez, sans modération. C'est un moment, c'est un temps fédérateur. Et puis, on essaye toujours de vous faire vivre quelque chose d'exceptionnel aussi. Je pense à la visite nocturne des ermites. L'année dernière, on était au village de Chenonceau. Et c'était vraiment très chouette. Je vous dis pas tout parce que on vous réserve des belles surprises. Et puis, le patrimoine, c'est une affaire, je pense, de souvenirs, c'est familial, c'est tout ça à la fois. dit-elle, des étoiles dans les yeux, parce qu'elle est passionnée et que sur Radioactive, on adore avoir des gens passionnés qui viennent nous parler de justement leur passion locale. Merci beaucoup Lauriane, merci d'avoir partagé avec nous ce beau programme des Journées du Patrimoine. Une occasion, comme vous l'avez dit, unique de découvrir et de redécouvrir les richesses de notre territoire, qu'elles soient cachées ou méconnues. Merci oui. beaucoup. Merci, à bientôt. On se retrouve très bientôt. Et en tous les cas, le mois prochain, on continuera avec Je peux pas, j'ai patrimoine. Et cette fois-ci, c'est Anna qui viendra nous voir. Anna qui est guide conférencière. Tout à fait. Et que vous allez beaucoup voir cette saison. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.